V'là du rap sans bling bling. Sans doute la tête dans la lune, mais les pieds sur terre. Dans la lune, mais les pieds sur terre. Là dans le fond de la classe, silencieux gars, je comble mes lacunes. Fier d'avoir mon bac S, pas qu'on dise, il eut sa chance mais la ken. Ma guerre est personnelle, laisse-moi avec ma rage horrible. Tu connais déjà le thème, ouais ma vie sans aucune barre de rire. Pense à la garderie, innocent, on savait rien de la vie. Désormais tout a changé, son côté rosé bien délavé. Qui aurait pu prévoir que le monde se révélerait si moche. Les trompes de bombes qui grondent, qui tombent et laissent place aux tombes. Demande à Texas, tu ne sais pas encore qui guide mes pas. Parachute dans le sac, tu le sais, car pendant ce temps la guide mes pis. Mon assaut s'étrace et cela à chaque crime que j'exécute. Mon cœur pour le son, car jamais je n'hésiterai entre ex et pute. De cadeau, 21 piges et une rage bientôt légendaire. Dis-leur que j'arrive et que je ne pose pas que pour le genre. Avec deux M c'est la paire, car nous n'avons plus le temps d'en perdre. Donc on s'affaire entre frères à faire notre son une bonne affaire. On souhaite tous un jour voir se réaliser nos voeux. Sans que les illusions soient là pour masquer nos yeux. Malgré ça, rêve et cauchemar vont toujours par deux. De rendre les jours moins ténébreux. On a tous des problèmes, t'inquiète, il faut du temps, mais tout ça se tasse. Sans à celui qui découvre qu'il a des métastases. C'est pour ça que je relativise, car tu le sais, tout va si vite. La douleur, on apprivoise, car c'est souvent qu'on s'y vote. Les traîtres ont des oreilles et des couteaux bien aiguisés. Ne parle jamais de tes bons plans, car beaucoup se seront déguisés. Ceux qui parlent trop se mordent la langue et puis la perdent. J'ai cherché mon bonheur solo, vu que son père m'a tendu la perche. Ni bon ni mauvais, l'homme est une combinaison des deux. J'en connais le code, oui, c'est une machination des dieux. Tous pour un, mais tous pourris, on joue avec les sentiments. Et de nos jours, il faut que tu saches, même les gens t'y mentent. On souhaite tous un jour voir se réaliser nos voeux. Sans que les illusions soient là pour masquer nos yeux. Malgré ça, rêve et cauchemar vont toujours par deux. On essaye de rendre les jours moins ténébreux. Avec Dalaï au platine, pas pour foutre la merde comme au Tibet. Taille au platine, pas pour foutre la merde comme au Tibet. C'est trace sur un plateau, un street deuxième, faut pas que tu t'y perds. C'est trace sur un plateau, un street deuxième, faut pas que tu t'y perds. C'est trace sur un plateau.